me lève du père et sous dans un champ de ruines. Mais pas conscience, t'es pas conscient, je m'essouffle sans m'attendrir. Les sirènes m'appellent, je pense trop brutal, elles cognent. Je veux être un cas d'école dans le gros cul de cadenne colle. Je vais pas têter ma goutte comme un fragile souplet. À grand le temps de s'assagir, vous freine, apprends sans savoir qui nous paye. Rentrant plus bas, en embuscade, si c'est peur, se plante. Pour leur répondre, j'ai le stylo pour ouvrir les portes, ils me le stampent. Entrer dans l'arène, ils chaperont mes disgraves. Je reviens des entrailles de la bête, le visage porte les stigmates. Typique du verbe, lourd pogrom qui se ramène. Lol, quand je crie que sa mère, je dis vive l'Ukraine ou boycott Israël. Laisse pas traîner ton gosse, mais toutes les parties muselées. Y'a trop de pervers qui rôdent dehors sous des gabardes inusées. Je m'abstiens, sinon je me bute, pourquoi plonger ta typose? Pas besoin d'une montre de luxe pour raconter ma vie de pauvre. Mika. Je balance la foudre, c'est pour t'abattre. Abatte la foule d'un coup à quatre. Fracasse des boules à coups de savate. A chaque baroude, c'est coude à coude, ça race. Tour à tour, ça grouille, ça rappe. Ça court encore, ça roule, ça trace. Mets tout dans le four, ça tourne. Avoue que t'étouffes, t'as tout fait pour ta face. Qu'importe le poids, personne t'es le fou. Comme par au frige, laisse derrière moi 15 fiches de rap. Une touche de fougue et par aux îles. Avec 6 grammes, je ferais mieux que je devrais remarquer. Comme frôle le drame des MC crack sur des freestyles en playbacké. Ils parlent mais jouent des rôles, ma caille. Ils veulent des combats, grosse bataille. La frappe du droit des roy, ma caille. Le bras à la gauche du boss, ma taille. La vue qui baisse, mais je le fais réciter, c'est bouche. Dis-moi qui sort du lot qui pèse. Quand je roule dessus, un CN rouge. Sur le bitume, un Nike Air noir, je suis de ceux qui mouillent le maillot. Tu me feras pas croire que les faces qui tuent sortent de la bouche des faillots. On colle des douilles dans plein sang-froid, mais bon, dans le fond, j'aime pas ça. Les langues sont douces, mais reste à savoir qui d'entre eux te la passera. Ok. Petit MC d'Alsace, coincé dans le gouffre entre les rustres et les comiques. C'est les bus et les collines contre les bus électroniques. Depuis que la ruse est méthodique, ils veulent des cruches et des tomis. User les solides statures et nous faire sucer les froliques. Non. J'arrive du fond de la classe, j'observais tous leurs vices. Entraîne des douleurs vives, on trime depuis que notre ciel est de couleur grise. Le rap c'est dead à moins d'être exhibitionniste. De lâcher le verbe et de faire des merdes afin d'exciter les sionistes. Bata. Pas moyen d'être en paix, la vie c'est le Truman Show. Mes quarantenaires et mes trentenaires aiment quand la rime s'écoule à flot. J'évite leur rap. On sait que c'est le désert qui cartonne. Ces débiles ont touché de gratte, ils se prennent pour des Eric Clapton. Pas de chance, on vient pour te mettre des bâtons dans les roues. Parce que t'es peut-être bon sur les apparences, mais pas trop dans les goûts. On a tendance à pirater. On va pas te paraître empathique à part des tentatives ratées. Y'aura pas de paillettes dans ta vie, MC va te pendre. Douleur muette, elle antalgique, y'a plus rien qui peut nier soi. Y'a que le rap qui peut les soir, vous remuez le bas dans ta gîte. J'évite les barres, puis le départ, je reste discret, le but est le même. Vite les barres, puis je les pars, elle distrait, je veux plus qu'elle m'aime. Trop crocheté, le jet à la vie, ce gars rumine. Faut se projeter, jette à la vie, ce regard humide. Et je me fous des terres communs, je fais que cet art anti les temps. Pense succès des terres qu'on entre, on sait que c'est tard quand il est temps. Secteur hardcore, mais consentir. Chaque fois qu'il tombe sur un son, c'est que le rapport est consenti. Faites donc tomber de la thune, mais que je dans la fissure. Je vais combler les lacunes, mettre le dans la fissure. Irrépressible, y'a plus rien qui pourrait nous pesto. Je repense à ce que j'ai loupé stone à chaque écrit, le tir est précis. J'essaie de coucher des fois sensibles. Si je fais que jouer avec mes mots, c'est que j'aime toucher les points sensibles. Ni talent, ni beau lexique. Amicalement, le Nico l'exprime. La vie t'apprend qu'il faut être vif bien avant que le niveau l'exige. Une collerette d'hydre, mélange de peine et d'antalgique. Après ces tentatives ratées, y'aura pas de paillettes dans ta vie. Ni talent, ni beau lexique. Amicalement, le Nico l'exprime. La vie t'apprend qu'il faut être vif bien avant que le niveau l'exige. Une collerette d'hydre, mélange de peine et d'antalgique. Après ces tentatives ratées, y'aura pas de paillettes dans ta vie. Dans ta vie, ouais. Y'aura pas de paillettes dans ta vie.